طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 7 dans l'introduction à la science du fiqh. L'introduction à la science du fiqh. Et on est aujourd'hui toujours dans la dernière partie du premier chapitre, au sujet de Mumayyizat al-fiqh al-islami. C'est-à-dire les particularités du fiqh islamique, du fiqh de l'islam et de la charia de l'islam. Donc, on a vu au dernier cours certains points qui sont reliés à ces questions-là. Et parmi les points qu'on a vus, c'était le premier. الفقه الإسلامي فقه إلهي سماوي. Donc le fiqh de l'islam, c'est un fiqh qui est divin et qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, al-kamal wa tamam, que ce message du fiqh et le fiqh de parmi les particularités du fiqh de l'islam, c'est que c'est quelque chose qui est parfait et qui est complet. Troisième point, ash-shumuliyya, c'est quelque chose qui englobe tous les aspects de la vie. Le quatrième, c'est al-istimrariyya wa-salahiyya, fait que c'est quelque chose qui va continuer à être applicable et valable jusqu'à la fin des temps. Et cinquièmement, at-taysir wa raf' al-haraj. Donc la facilité et le fait de retirer la gêne et d'établir l'égalité, l'équilibre, la modération et le juste milieu. Ça, c'est parmi les particularités du fiqh de l'islam. On est arrivé, nous, au point numéro 3. Maintenant, c'est ce qu'on va expliquer. Thalithan, ash-shumuliyatu wal-ittisa'. Ash-shumuliyatu wal-ittisa'. Ok, le cheikh il dit, cheikh Sulayman Abul Khayl, hafizahullah, il dit ثالثا الشمولية والاتساع. إن المتأمل للشريعة الإسلامية بصفة عامة والفقه الإسلامي بصفة خاصة يرى أنه أتى على كل ما يحتاجه الإنسان في العبادات والمعاملات وفقه الأسرة والحدود والجنايات وما يتعلق بها من ضروريات وحاجيات وتحسينات وكماليات بصورة منقطعة النظير وأذهلت العالم أجمع. حيث وجدت فيه القواعد والأصول والكليات زاهية شامخة ثابتة يستفاد منها في كبير المسائل وصغيرها دقيقها وجليلها عن طريق الاجتهاد الذي من خلاله يطبق العلماء الأحكام على الوقائع والنوازل التي والنوازل على تنوعها مراعين في ذلك تغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات. Donc le cheikh il explique que de façon si on observe la charia de l'islam de façon générale et le fiqh de l'islam de façon particulière, on constate que ça vient avec tout ce que l'homme a besoin, tout ce que l'être humain a besoin dans l'adoration, dans les interactions, dans le fiqh qui est relié à la famille, dans les peines et les punitions pour les crimes et tout ce qui est relié à ces choses-là comme parmi les choses essentielles, les besoins et les choses qui sont pour ajouter ou pour embellir et pour parfaire, hein, les choses qui font partie de la religion et qui font partie des tahsinat, les choses qui ont rapport avec le fait d'embellir, hein, ou al-kamaliyat. هذا يؤثر على التسجيل بارك الله فيك نعم جزاك الله خيرا نعم donc الكماليات et il dit ensuite le cheikh que on n'a jamais vu quelque chose de comparable, on n'a jamais vu quelque chose de comparable à ça et le monde entier, hein, a été surpris, étonné, ébloui de ça à ce sujet là à cause de qu'est-ce que le fiqh de l'islam contient comme règles et comme fondements, comme principes qui sont fermes et fermement établis et dont on peut profiter dans toutes les questions, qu'elles soient petites ou grandes, et détaillées ou subtiles. Et donc, on peut voir par la voie de l'ijtihad et de la déduction et de l'analogie et des efforts qu'on peut faire, ou bien plutôt que les ulama font pour extraire les verdicts de la charia et pour être capable d'appliquer les règles de l'islam à toutes les circonstances et les situations qui peuvent se produire, hein, peu importe la catégorie ou les différentes sortes d'événements ou de situations qui peuvent arriver dans la Ummah. Les savants sont capables, malgré le changement des époques et du temps et des lieux et des situations et des événements, des intentions, ils sont capables de savoir comment faire appliquer les principes et les règles du Coran et d'extraire les verdicts à partir des textes dans toutes ces différentes circonstances-là, selon les principes et les règles de l'islam. Donc, c'est-à-dire que l'islam s'adapte et s'applique dans toutes ces circonstances-là pour ceux qui, bien entendu, parmi les ulama, ont la connaissance de ces règles-là et comment et qui savent comment le faire. Le cheikh il cite ensuite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il parle de ça en détail dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin. Et il élabore beaucoup dans ces questions-là, dans ce livre. Il dit qala Ibn al-Qayyim rahimahullah faslun fi taghyir al-fatwa wa ikhtilafuha bi hasab taghayyur al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwali wa al-niyyati wa al-awa'id. Il dit بناء الشريعة على مصالح العباد في المعايش والمعاد وهذا فصل عظيم نفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي فيها أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم على الحكم ومصالح العباد في المعايش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون وهداه وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاه التام الذي به دوى كل عليل وطريقه المستقيم الذي استقام عليه الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي لها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم. Le Cheikh il explique ici que l'imam Ibn al-Qayyim il dit que ça c'est un chapitre au sujet de la fatwa qui change selon le changement de l'époque et des lieux, des situations, des intentions et des habitudes. Et il dit que la charia, elle est basée sur le bien, l'intérêt et le bien-être des êtres humains, dans leur vie d'ici-bas et dans leur au-delà. Ça, c'est la base sur laquelle est fondée la charia, de ramener le bien-être des êtres humains. Et il dit que ça, c'est un chapitre très important et très bénéfique. Et à cause du fait que certains ont ignoré ce point-là, il y a eu de grosses erreurs ou de graves erreurs qui ont été faites contre la charia, et qui ont ramené de la gêne et de la difficulté, et qui ont chargé, qui ont chargé des gens de faire des choses, qui ne sont pas nécessaires pour eux de faire, donc. Et donc, il n'y avait pas de moyens pour eux. Si on connaissait ces gens-là auraient connu la charia, ils auraient su qu'ils n'avaient pas à faire ça. Puisque la charia, elle est venue pour enseigner les plus hauts niveaux de bien-être que l'homme peut atteindre. Il dit que la charia, son fondement et sa base, c'est la sagesse et le bien-être des hommes dans la vie et dans l'au-delà, dans la résurrection. Et tout ce qui est dans la charia est basé sur la justice. Tout ce qui est dans la charia est basé sur la miséricorde. Tout ce qui est dans la charia est basé sur le bien-être et les bienfaits. Et tout ce qui est ramené sur tout ce qui est relié à la charia est basé sur la sagesse. Et donc toute question qui serait en dehors de la justice vers l'injustice, ou qui sortirait de la miséricorde vers le contraire, ou qui sortirait du bien-être et du bienfait vers le méfait et qu'est-ce qui est nuisible, ou qui sortirait de la sagesse vers qu'est-ce qui est inutile et sans sagesse, eh bien ça ne fait pas partie de la charia. Aussi simple que ça. Et donc, même si on essaie de faire rentrer ces choses dans la charia par des interprétations il faut savoir que la charia, elle est la justice d'Allah entre ses serviteurs. La charia, c'est la justice d'Allah entre ses serviteurs. Il y a beaucoup de gens, parmi les en particulier parmi les non-musulmans aujourd'hui, qui détestent la charia. Hein, ils critiquent la charia, puis ils attaquent la charia. Puis après ça, ils disent, on n'a rien contre l'islam et les musulmans. Ça, c'est une contradiction. Tu ne peux pas dire, j'ai rien contre l'islam et les musulmans, puis après tu critiques, tu es contre la charia d'Allah. Parce que l'islam, ce n'est rien d'autre que la charia d'Allah. La charia d'Allah, ça comprend l'islam en entier. Et si tu dis charia ou tu dis islam, les deux sont une seule et même chose. Hein? Puisque tout ce qui est dans la charia, c'est qu'est-ce qui est dans les textes de la révélation du Coran et de la Sunna et de l'Ijma. Donc ça, c'est les fondements même de la religion même. Hein? Donc si tu rejettes la charia et si tu attaques la charia, tu attaques automatiquement l'islam. D'accord? Et donc le cheikh, il explique, il dit, la charia, c'est la justice d'Allah entre ses serviteurs. Et aussi, c'est sa miséricorde, la miséricorde d'Allah entre ses créatures. Et c'est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et c'est la sagesse qui indique, hein, c'est la sagesse qui l'indique, et qui indique également la véracité du messager d'Allah, qui l'indique de façon claire et qui prouve cette véracité-là. La véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, c'est la lumière. C'est la lumière d'Allah. C'est la lumière d'Allah. La charia, c'est la lumière d'Allah. Par laquelle il fait voir. Il permet aux hommes de pouvoir voir clair. Hein? C'est également sa guidance. Par laquelle les gens qui sont bien guidés, Yanni se réfère pour être bien guidé. C'est également son remède par laquelle il guérit toute maladie et tout problème. C'est son chemin droit, hein, sur lequel toute personne qui marche, hein, sur cette droiture, il sera sur le droit chemin. C'est la perle des yeux. C'est la vie des cœurs, c'est yani le délice des âmes. Et elle a une vie, hein? Elle contient la vie. Cette charia, elle contient la vie. Elle contient également le nourrissement des âmes. Elle nourrit et elle guérit. C'est un remède, c'est une lumière. C'est un médicament et c'est une protection aussi. Donc, tout le bien qui existe dans le monde, il vient uniquement de la charia. C'est parce qu'il vient fondamentalement de la charia et il découle de cette charia. Et tout manquement et toute déficience qui existe dans ce monde, c'est parce qu'on s'est écarté et on a délaissé la charia. Hein? Et si il n'y avait pas cette charia dans le monde qui reste, le monde entier serait en ruine et corrompu et détruit. Le monde serait fermé, c'est-à-dire que ça serait la fin du monde. S'il n'y aurait pas cette charia dans le monde actuellement, ce serait le jugement dernier qui commencerait. Parce que le jugement dernier ne va pas venir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de la religion et de la foi du tawhid et de la charia sur terre. Quand il n'y en aura plus, le monde va être fini. Ça va être la fin du monde. Hein? Après, le cheikh il dit, « وَهِيَ الْعِسْمَةُ لِلنَّاسِ وَقَوَامُ الْعَالَمِ وَقِوَامُ الْعَالَمِ وَبِهَا يَمْسِكُ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه من إعلام الموقعين المجلد الثالث الصفحة الثالثة. Le Cheikh il explique, l'imam Ibn al-Qayyim il termine cette parole, il dit, hein, cette citation, il termine cette citation par la parole suivante, il dit que c'est une protection pour les hommes et c'est quelque chose qui raffermit le monde, qui le retient, qui le protège. Et c'est ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala retient les cieux et la terre, pour pas qu'ils s'effondrent. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut ou va vouloir que le monde soit détruit et qu'il va plier le monde, hein, comme un parchemin, hein, il va ramener vers lui, il va élever vers lui tous les restants de qu'est-ce qu'il y a dans la révélation, il va la ramener vers lui. C'est-à-dire que, comme c'est mentionné dans les hadiths, le Coran, il va le ramener vers lui. Il ne restera plus aucune lettre dans les masahif. Et il ne restera plus non plus de Coran, même dans les poitrines des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre tout à la fin des temps. Et c'est à ce moment-là que va être établi le jugement dernier. Et donc, la sharia, Allah subhanahu wa ta'ala, la sharia par laquelle il a envoyé, avec laquelle son messager a été envoyé, c'est le pilier du monde et c'est le pôle du succès et du bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Tout ce qu'il y a de bien et de bon dans le monde, ça découle de cette charia. Et sans cette charia, il n'y aurait plus de stabilité ou de droit et de justice dans ce monde. Hein? Donc on voit l'importance de s'accrocher à la charia d'Allah et de l'établir pour qu'il y ait dans ce monde de la justice et de la stabilité. Malgré qu'on voit qu'aujourd'hui les musulmans on est dans une faiblesse et que la religion, les musulmans, beaucoup de musulmans se sont éloignés des enseignements de la charia d'Allah, hein? Malgré tout ça reste encore. Il y a des temps qui vont arriver dans l'avenir qui vont être pires que qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Déjà, hein, on se plaint de la situation actuelle et on voit que il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est juste le début. Le pire est à venir. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher fermement à la religion. Et le cheikh, il dit, « Fama min ta'irin yatiru fis sama, illa dhakara al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam lis-sahabati minhu ilma, wa ma min sharidatin wala waridatin saghiratin kanat aw kabira مما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم حتى الآداب الخفية إلا علمهم إياها. Donc le cheikh il explique qu'il n'y a pas un oiseau qui vole dans le ciel excepté que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en a mentionné quelque chose aux compagnons. Il leur a donné à ce sujet une science. Et il n'y a pas de question dans les questions de la vie et les questions de la religion, qu'elles soient des questions qui sont des questions au sujet de choses qui sont petites ou grandes, parmi les choses que les hommes ont besoin de connaître, parmi les affaires de la vie ou les affaires de la dunya ou de la religion, même dans les questions des manières de certaines choses qui sont cachées, ou qui sont subtiles ou petites, excepté qu'il nous l'a enseigné. Et même comment aller faire nos besoins, comment se nettoyer, comment ces choses-là, tout ça le prophète nous a enseigné. Le cheikh il dit, وَقَدْ قَامَ بِذَٰلِكَ وَأَخَذَهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ صَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وبنوا عليه الأحكام والأجوبة والفتاوى فيما ورد عليهم مما لم يجدوا فيه نصا بأمانة وديانة. الأمر الذي معه اجتمع هذا الكم الهائل والضخم من المسائل العلمية المدونة في الكتب الفقهية وغيرها التي لم تجتمع الأمة قبل ذلك, لم تجتمع لأمة قبل ذلك. Donc le cheikh il dit que après les sahaba, les tabi'un ont pris de cette science également. Et tous ceux qui ont suivi leur voie par la suite parmi les croyants jusqu'à notre jour, jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont basé là-dessus les règles de la religion, les réponses aux questions et les verdicts religieux, les fatawa, au sujet des choses qui se produisent au sujet desquelles il n'y a pas un texte explicite à son sujet. Et ils ont ramené ces réponses et ces verdicts religieux avec honnêteté, avec responsabilité, avec un sens de religieux, de religiosité, de piété. Et il dit que on voit la grande quantité immense de questions scientifiques et religieuses qui ont été mises par écrit dans les livres de fiqh. On n'a jamais vu rien de pareil et rien de comparable dans aucune autre nation, dans aucune autre umma auparavant. Il dit ومن هنا ثارت حفائظ الأعداء وظهرت أحقادهم فذهبوا يدعون ويتقولون ويكذبون حتى وصلوا إلى القول بأن الفقه الإسلامي مستمد من القانون الروماني وغيره إلى غير ذلك من الأساطير المخترعات التي يعرف العامي زيفها وبطلانها فضلا عن طالب العلم. Il dit que tu vois que la haine des opposants et des ennemis de l'islam est apparue clairement lorsqu'ils ont prétendu et inventé et menti en disant jusque et en allant jusqu'au point de dire que le fiqh de l'islam découlait du droit romain et d'autres, en voulant dire que les musulmans, les savants de l'islam ont copié le droit musulman et les règles de l'islam, les règles de la charia et du fiqh de l'islam des livres de droit romain. Et ça, bien entendu, ça fait partie des mensonges et des faussetés et des fausses accusations qui ont été ramenées et répétées par les ennemis de l'islam. Et le cheikh il dit que même le commun des musulmans ordinaires, qui fait ses prières et qui n'est pas un étudiant de la charia, qui n'a pas étudié les règles de la religion, quand il entend ça, tout de suite il sait, il reconnaît, il comprend la fausseté de ce genre de propos. Et encore plus si c'est un étudiant en sciences islamiques. Donc, on a complété maintenant le troisième point à propos du fait que cette religion, elle comprend, elle s'applique à tous les aspects de la vie et elle comprend tous les différents aspects de la vie. Maintenant, rabi'an al-istimrariya wa-salahiyya li kulli zamanin wa makanin wa umma. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة من قبل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منهن أن الرسول قبله يبعث إلى قومه خاصة، وأنه بعث للناس عامة، بل إن عيسى عليه السلام عند نزوله في آخر الزمان يدعو الناس إلى الشريعة الإسلامية، إلى الشريعة الإسلامية واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا غير الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أنه سبحانه وتعالى تأذن بحفظ كتابه الذي هو المصدر الحقيقي مع السنة لهذا الدين إلى يوم القيامة، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Donc, quatrièmement, cette sharia, elle est permanente et elle est pour être appliquée jusqu'à la fin des temps, et elle est applicable et elle s'adapte à toute époque, à toute situation et pour toutes les nations sur terre, sans exception. Hein? C'est universel. Et le cheikh, il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes et des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui le guide et le chef qui est à la tête des prophètes et des messagers au jour de la résurrection. Et les messagers étaient envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque messager était envoyé à son peuple en particulier. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, lui c'est différent. Il n'est pas envoyé à un peuple seulement ou à une nation en particulier, mais il est envoyé à tous les êtres humains sur terre. Hein? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le Coran, dans le verset 28 dans sourate Saba. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde, nous ne t'avons envoyé que pour tous les hommes, que pour tous les hommes, comme annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Et il dit dans un autre verset, dis ô Muhammad, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Le verset 158 dans sourate Al-A'raf. Donc ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à tous les hommes, tous les peuples, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les ethnies, sans exception, toutes les origines, sans différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également, comme c'est rapporté dans un hadith qui est authentique, rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, il dit, on m'a donné cinq choses qu'aucun avant moi n'avait reçues. Et parmi ces choses, il a mentionné le fait que le messager avant lui, les messagers avant lui étaient envoyés à un peuple en particulier. Il dit, tandis que moi j'ai été envoyé à tous les hommes. Tous les hommes, sans exception. Il dit, même Isa alayhi salam, lorsqu'il va venir à la fin des temps, il va appeler à la charia de l'islam. Et il va inciter les hommes à suivre la charia de l'islam. Et à suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Et non pas autre chose. Donc c'est pour dire que même s'il vient, hein, et que c'est un prophète d'Allah, il ne va pas ramener quelque chose de nouveau ou une autre charia ou un autre message nouveau. Non, il va ramener ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené, hein? Et il va ordonner aux hommes de suivre ça. Et même le prophète Isa alayhi salam, quand il est venu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à Bani Israël en particulier, pas à tous les êtres humains sur terre. Et ceux qui ont voulu changer son message et faire de son message un message universel pour tous les hommes sur terre, ils ont déformé son message et changé la réalité de qu'est-ce qu'il a enseigné. Parce que Isa alayhi salam lui-même, il n'a jamais dit que qu'est-ce qu'il est venu enseigner, c'était pour tous les hommes sur terre. Il a dit, hein, et comme c'est écrit même dans le livre des juifs et des chrétiens aujourd'hui, je ne suis venu que pour la maison, hein, la brebis perdue de la maison d'Israël. Voilà pour qui il est venu. Et c'est Paul par la suite qui a changé son message et qui a voulu l'adapter aux Grecs et aux Romains et aux autres peuples, et c'est ce qui fait qu'il l'a déformé complètement. Ensuite, il dit بل إن عيسى عليه السلام عند نزوله في آخر الزمان يدعو الناس إلى شريعة الإسلام إلى الشريعة الإسلامية. Donc, quand Jésus عليه السلام il va revenir à la fin des temps, eh bien, il va juger selon la charia de l'islam et il va appeler les gens à suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Isa alayhi sallam sont des frères. Hein? Sont des frères. Et tous les prophètes viennent du même Dieu. Tous les messagers ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas accepter autre que l'islam comme religion. Allah ne va pas accepter une autre religion que l'islam. La preuve de ça, c'est le verset 19 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit la religion pour Allah, c'est l'islam. Ainsi que le verset 85 dans Surat Al-Imran aussi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Et de même que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il a il a déclaré qu'il va préserver son livre, le Coran, et que c'est la base réelle, c'est le fondement réel et la source réelle de référence avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour cette religion jusqu'au jour de la résurrection. Et il a dit ce qui signifie dans le verset 9 dans surat Al-Hijr. Il dit, nous avons certes fait descendre le rappel et nous le préservons. Et certes, nous allons le préserver. Il dit le cheikh ensuite, وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِسْلَامِ بِمَبَادِئِهِ وَأَحْكَامِهِ الْعَامَ وَالْخَاصَةِ صَالِحٌ لِأَنْ يَأْخُذَ بِهِ كُلُّ إِنسَانٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الْبَسِيطَةِ وَعَلَى مَرِّ الْعُصُورِ وبه تتحقق للبشرية جمعاء السعادة والفلاح في معاشها ومعادها ولا يمكن لقائل أن يقول غير ذلك فإن تجاوز وقال فإن النقص والعيب فيه وفي مجتمعه إما ذاتا وإما فهما وإدراكا. Donc le cheikh dit ça implique que l'islam dans ses fondements, dans ses règles générales et particulières, elle s'adapte et elle peut être appliquée par tous les hommes sur terre, peu importe où ils sont, peu importe l'époque dans laquelle ils vivent, et c'est ainsi que se réalise pour tous les hommes et toute l'humanité le bonheur et le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Et il n'est pas possible à quelqu'un de dire autre que cela. Et s'il dépasse la limite et qu'il le dit, eh bien le manquement et le défaut est en lui-même et dans sa société et non pas dans l'islam. Et ce défaut et ce manquement, il est soit en lui-même, en la personne, ou dans sa compréhension et dans ce qu'il a compris de l'application de la charia, mais pas dans la charia elle-même. Il dit قال ابن القيم بعد ان تكلم عن القران الكريم وما اشتمل عليه من الحكم والعجائب والمصالح يقول لكن عصفت على القلوب هذه الاهواء واطفات مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذا وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل وعجبا وعجبا كيف جعلت أو جعلت غذاؤها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونصوص ونصوص حديث نبيه المرفوع. أم كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب؟ Donc le Cheikh il dit, et l'imam Ibn al-Qayyim il dit, après avoir parlé du Coran et ce qu'il contient de sagesse et de choses étonnantes et toutes sortes de bienfaits, il dit ensuite, mais les différentes passions ont soufflé des tempêtes sur les cœurs et ont éteint les lanternes, hein, les lanternes de ces bienfaits, hein, les bienfaits du Coran et ce que ça contient. Et ils ont pris le dessus sur les opinions des hommes. C'est-à-dire les opinions des hommes ont pris le dessus sur qu'est-ce qui vient de la révélation d'Allah et ont fermé la porte de cette révélation et ont perdu les clés. Et à cause de ça, leurs cœurs se sont voilés, sont rouillés d'être capables d'obtenir cette guidance. Et donc ils n'ont pas réussi à comprendre par la suite les réalités du Coran. Ils n'ont pas trouvé de fenêtre vers le Coran. Et toutes les différents malaises et les malheurs des maladies de l'ignorance ont pris le dessus, et donc les gens n'ont pas pu profiter avec la révélation de ses bonnes œuvres. Et là, moi, Ajaba, le Cheikh il dit, comme c'est étonnant, comment les gens ont cherché à se nourrir de ces opinions qui ne peuvent pas aider quelqu'un à se nourrir de la faim qu'il a en lui-même, qui ne peut pas le nourrir ni l'engraisser ou bien le faire prendre du poids, parce qu'il n'y a rien de nourrissant dans les opinions des hommes. Donc ils ont délaissé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas accepté cette parole d'Allah qui est nourrissante et qui peut te guider, de même que les textes des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi ils ont délaissé ça et ils ont préféré l'opinion des hommes à la place? Et comment pourraient-ils être bien guidés dans les ténèbres des opinions et distinguer entre ce qui est erroné et ce qui est correct, alors qu'ils n'ont pas les lumières de la sunna et du Coran pour les guider? Il dit, wa ajaba, encore une fois, comme c'est étonnant. Et donc ça, c'est une longue citation ici de l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin. C'est tiré de Madarij al-Salikin. Il y a comme 3 pages de citation de l'imam Ibn al-Qayyim. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va lire étape par étape pour que ce soit plus facile. Il dit, wa ajaba, kayfa mayyizat bayna sahih al-ara wa saqimiha. Comment les gens peuvent-ils distinguer entre les opinions qui sont correctes et celles qui sont fausses et malades? Wa maqbuliha wa mardudiha, celles qui sont acceptables et celles qui sont rejetées. Wa rajihuha wa rajihiha wa marjuhiha, celles qui sont plus proches de la fausseté et celles qui sont plus proches de la vérité. وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلامه لا من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان، وكلام من أتيت جوامع الكلم واستولى كلامه على الأقصى من البيان. Donc en voulant dire celui qui n'a pas pris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la parole qui ne peut être approchée ni par le qui ne peut être approché par le faux, ni par devant, ni par derrière, et qui est chargé de clarifier la vérité de la façon la plus claire possible. Et également la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné al-jawami'ul-kalim, c'est-à-dire les paroles qui sont courtes, mais qui sont remplies de science et de sens bénéfique. Et donc ils ont délaissé ça et ils ont pris les opinions des hommes à la place. Il dit kalla bal hiya wallahi fitnatun a'mat al-qulub an mawaqi' rushdiha wa hayyarat al-uqul an tara'iq qasdiha wa yurabba fiha as-saghir wa yahrum fiha al-kabir wa dhannat khafafish al-basair أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون وتزاحم عليها وهيهات. أين السهى من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وأين الكلام الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم. أين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها على تحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. Donc tout ça c'est des questionnements que l'imam Ibn al-Qayyim rapporte pour faire comprendre comment les hommes, lorsqu'ils s'éloignent de la référence de l'islam qui est le Coran et la Sunna, et qu'ils se basent plutôt sur les opinions des hommes dans les questions du fiqh et dans la compréhension de l'islam, comment ils s'égarent, comment ils s'éloignent, comment ils n'arrivent plus à distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est correct et ce qui est incorrect, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, c'est des rappels à ce sujet-là. Il dit, attendez juste un instant, parce que... Il dit, Al-Mutamassiku indahum bil kitab wa sunna sahibu zawahir wa mini makhbous. مخبوس حظه من المعقول والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. سبحان الله. Celui qui s'accroche au Coran et à la Sunna, pour ces gens-là, c'est celui qui s'accroche au sens apparent, et qui rejette la qu'est-ce qui est logique. tandis que la personne qui s'accroche aux opinions contradictoires et opposées les unes aux autres, hein, c'est lui qui est le meilleur, c'est lui qui est acceptable. Ça, c'est pas correct. Malheureusement, c'est comme ça que les gens pensent. Beaucoup de gens pensent comme ça. Ils préfèrent les paroles des hommes à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les opinions des hommes à la révélation divine. Il dit wa ahlul kitab wa sunna al-muqaddimuna li nususiha ala ghayriha juhalun ladayhim. Manqusun. Donc les gens du Coran et de la Sunna, ceux qui placent les textes au devant de toutes choses, sont pour eux des ignorants. Hein? Comme le cheikh il dit wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun. Le cheikh il dit, c'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 12 ou verset 13 dans sourate, non, verset 13 dans sourate Al-Baqarah, et lorsque on leur dit croyez comme les gens ont cru, c'est-à-dire comme les sahaba ont cru, ils disent est-ce qu'on va croire comme les faibles d'esprit ont cru? Et Allah dit certes les faibles d'esprit ce sont eux, mais ils ne savent pas. يعني حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها فخانتهم أحرص ما كانوا عليها وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور تميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه وقدموا ما على ما قدموه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Donc tout ça c'est pour exprimer comment ces gens-là ont dépassé la révélation et les textes, et comment ils ont perdu leurs moyens, et comment au jour de la résurrection, lorsqu'ils vont être ressuscités de leur tombe, et qu'on va juger qu'est-ce qu'il y avait dans leur intérieur et dans leur poitrine, on va distinguer entre la réalité et ce qu'ils avaient comme croyance, et ce à quoi ils ont donné précédence sur la révélation, et ils vont voir ce jour-là ce qu'ils n'avaient pas pensé à propos d'Allah. Allah va leur faire voir ce qu'ils n'avaient pas calculé ou ce qu'ils ne pensaient pas. Donc tout ça c'est pour montrer et pour dire et pour blâmer leur état et leur situation. Et tout ça c'est dans un style très éloquent et très très bien exprimé de la part de l'imam Ibn al-Qayyim, parce qu'il a une façon de s'exprimer qui était très poétique presque. Le cheikh il dit cinquièmement khamisan qiyamuhu ala at-taysir, le fait que la charia elle est basée sur la facilité et la simplicité, et ça on va le laisser pour le prochain cours inshallah. C'est le cinquième point, le dernier point de cette catégorie-là. On va l'expliquer au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.